Quand tu nais, tout est fait. À midi, tout est dit. Le soir tombe et ta tombe est ouverte. Mets-toi face à la glace. Ce que tu vois, c'est bien toi. Rien ne change, y a pas d'ange sur la terre. On ne devient rien, comme on est, on reste. Tourne pas ta veste, mon pauvre marin. Le grand chat n'est plus là, il est mort en septembre, son fantôme erre encore dans la chambre. Une femme sourit sur la photo jaunie, c'est ta vie qui ensemble. On ne devient rien, comme on est, on reste. Tourne pas ta veste, mon pauvre marin. Un cahier quadrillé, un œillet desséché, une carte postale de Venise, la voiture qui freine, au feu rouge court la reine. Non, c'est rien, demain il faudra vivre. Ne devient rien, comme on est, on reste.